Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, chef de la délégation du parti à la 18e conférence internationale des partis communistes et ouvriers déroulée au Vietnam, s'est entretenu avec le secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien, le président du Parti des ouvriers de Hongrie et le président du comité central du Parti communiste de Bohême-Moravie de Tchèque. Il leur a transmis respectueusement les salutations chaleureuses du camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée. Les interlocuteurs en ont exprimé leur gratitude et ont prié de transmettre à Kim Jong-un leurs salutations sincères. Lee Soo-yong a rencontré encore le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao, le dirigeant de haut rang et membre permanent du Parti communiste marxiste-léniniste uni du Népal et ancien premier ministre népalais, le président du comité central du Parti communiste de Sri Lanka, le secrétaire général du Parti populaire progressiste de Guam, le vice-président du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie et premier vice-président de la Commission des affaires internationales de la Douma d'État, le secrétaire général du comité central du Parti ouvrier du Bangladesh, le secrétaire général du Parti communiste de Grande-Bretagne, le secrétaire général du Parti communiste palestinien et autres.